Zaga. Salvatore Kanté, maman si t'as fait moi plaisir va danser. Kelico Bella, le charisme est bel et bien là. Mucho. Elle apprécie ma paire de Margiela. Bling, bling. Dans mon carré vu que tu te fais marcher là. Pas la France tranquille de Bouddha. Quand elle fait bouger son bunda. Elle m'a dit regarde mais ne touche pas. Je passe pas par quatre chemins, je vais tout droit. Debout sur la banque, mais sur toute la boîte, j'observe et j'enquête. Je me serre la main, mais t'es qui toi en fait? Avec ses copines, elle va, va. Ce qu'elle fait là, elle là, elle là. Elle là, elle là, elle là. Ça me plaît. Ah oui, ça me plaît. Ce qu'elle fait là, elle là, elle là. Elle là, elle là, elle là. Ça me plaît. Si je me rapproche de toi, est-ce que le terrain est miné? C'est le moment pour t'assumer, les autres éliminer. Après moi c'est terminé. Après moi c'est terminé. Ok, après mine. Si je me rapproche de toi, est-ce que le terrain est miné? C'est le moment pour t'assumer, les autres éliminer. Après moi c'est terminé. Vas-y, va. Elle-là, elle-là, elle-là, elle-là, elle-là, ça me plaît. Ah oui, ça me plaît. Ce qu'elle fait là, elle-là, elle-là, elle-là, elle-là, elle-là, ça me plaît. Ah oui, ça me plaît. Mami, danse pour papi. Mami, danse pour papi. Un, deux, tres. Un, deux, tres. Oh mami, danse pour papi. Mami, danse pour papi. Un, deux, tres. Un, deux, tres. Ce qu'elle fait là, elle là, elle là.